طيب سامعة يسمعوا كي يدير أنتون اسمع على وزن يفعل رافع يرفعوا كي يدير لفي يرفع على وزن يفعل ضرف يدرسوا كي يدير يتجي أدرس على وزن أفعل علم يعلم كي يدير سوا يعلم على وزن يفعل شرب يشرب كي يدير بوا يشرب على وزن يفعل خلق أو عفوا حلق يحلق كي يدير غازي على وزن يحلق على وزن يفعل ويحلق يحلق كسر يكسر كي يدير كاسي يكسر غسل يغسل كي يدير لافي يغسل طبخ يطبخ كي يدير كوزيني اطبخ قطع يقطع كي veut dire couper اقطع جمع يجمع كي veut dire rassembler regrouper اجمع على وزن فعل عبد يعبد كي veut dire adorer اعبد على وزن افعل نزل ينزل كي veut dire descendre انزل على وزن افعل عرف يعرف كي veut dire connaître يعرف نعم على وزن افعل اكل ياكل كي veut dire manger كل نعم على وزن عل نعم فعل يفعل كي veut dire faire يفعل على وزن يفعل ça c'est lui le verbe d'origine فتح يفتح كي veut dire ouvrir يفتح على وزن يفعل ضرب يضرب كي veut dire frapper يضرب على وزن يفعل كتب يكتب كي veut dire écrire اكتب على وزن افعل سأل يسأل كي veut dire questionner, interroger. يسأل. نعم على وزن يفعل. منع يمنع كي veut dire empêcher, interdire. يمنع. على وزن يفعل. نعم. ضحك يضحك كي veut dire rigoler. يضحك على وزن يفعل. ركب يركب كي veut dire monter, embarquer. يركب على وزن يفعل. أخذ يأخذ كي veut dire prendre. خذ على وزن عل. Donc là, il te dit Hamzatul Wasli, Hamzatul Amr, Hamzatul Wasl. Fala tuktabu fuqaha au tahta arama al Hamza Hamza al Qata. Hamza al Qata, c'est celle qui a la tête d'Aïn au-dessus d'elle. Illa fil fir arubaï, hormis dans le verbe à 4 lettres. Et tout ce qui est verbe à 4 lettres, c'est Hamzatul Wasl. C'est même comme on a dit que dans Ism, Ibn, et ainsi de suite, ou dans Alif Al-Lam. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand on a fait l'Am, il y a une Sukun, et que derrière, il vient Alif Al-Lam, on a deux lettres Sakin maintenant qui viennent. On fait comment? On fait comme avec le Ta'anis Sakina. Quand tu dis Zahabat El-Bint, comme on dit quand on lit, quand on fait la liaison. Et bien là, on va faire pareil. Quand on a fait l'am, taïeb, qui est une soukoun, et qui derrière un lifolem, on va mettre une kafra pour qu'on puisse faire la liaison entre les deux mots. Il dit, ta amel mayali, mais dites ce qui suit. Masalen, oktoub addersa, écrit le cours. Quand on fait la liaison, on dit quoi? Oktoub addersa, on met une kafra sur le bain. Et cette kafra là, on a dit juste, c'est quoi? Il dit quoi? C'est pour la rencontre de deux lettres qui n'ont pas de harakat. Mais à la base, c'est une soukoun. Ikra'i Qur'an. Taïeb, ikra'i Qur'an. Lis le Qur'an. Ishrabil kahwa. Bois le café. Il'abil al'an. Joue maintenant. Ou il'abil an. Ou al'an. Joue maintenant. Oktoub. Yahamid oktoub. Regarde maintenant qu'est-ce qui se passe. On a dit oktoub. Taïeb. On se dit quoi? Ya Hamid Oktoub. Mais si on fait la liaison, aïwa, il tombe. Donc tu dis Ya Hamid Oktoub. Vous voyez? Comme dans Masmouk. Le Hamza, il tombe. Ijlis, par exemple, tu veux dire t'asseoir. Toi, maintenant, quand tu fais la liaison et tu mets un Wa par exemple, devant, tu vas dire comme là, il met Outroul, Wajlis. Tu ne vas pas dire Wa Ijlis. Tu vas dire Outroul, Wajlis. Entre et assieds-toi. Ifham, comprends?

ainsi que vos mains. Sabi'an, ubudna Allah wasjudna lahu. Donc là, tu parles à qui? Des femmes. Antunna. Et ubudna Allah, antunna. Adorez Allah, vous les femmes. Wasjudna lahu. Et prosternez-vous pour lui. Et là, tu t'adresses à qui? À des sœurs. À des femmes. Dans le halal. Ou même dans. Tu peux faire une nasiha à des femmes. Tant que tu es mahmoud de minute fitna. Hein? Tu es préservé quoi? Tu peux faire quoi? Si demain une femme a fait le forodor, tu peux pas faire le homme marlouf en animaux de car. Non, c'est une femme, je dis rien et tout. Non, si à méthode tu es préservé, il n'y a pas de problème, il faut l'interdire. Tu vois, il faut l'interdire. C'est pas ma haramout la quand de parler d'une femme. Il y a des choses autres. L'origine, non, il ne faut pas, mais des fois, il faut. Des fois, c'est obligatoire de lui parler. Tayeb. Malakoulin, irtilet, haram. Ah là, tu n'as pas photo. Quand les gens se disent, Khalil, regarde, il a des chouettes, il dit que. Irtilet, et puis torsil. Il n'y a pas de torsil, irtilet. Pas de torsil. Mais il y a des cas, c'est clair que, dans le roi ou quoi, tu peux parler d'une femme, mais il y a des choses, il y a des conditions. Tayeb. Thaminan. Il a abou, bad ders. Jouer après le cours. Donc là, c'est il a abou. Yeb antum. Tasian. Khouzi kitabaka, kitabaki yasu'ad. Donc là, le shaykh, c'est khouzi, anti. Prends ton livre au su'ad. Ashiran. Quand Allah ta'ala fait surat al-Baqara. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-Baqara, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et celui, il est ceux d'avant vous. Donc là, le shaykh, c'est ubudu rabbakum. Et il dit, hada achar, وقال في سورة الحج يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. Donc il dit ô vous qui avez cru, inclinez-vous, ركعوا c'est inclinez-vous, واسجدوا prosternez-vous, واعبدوا ربكم et adorez votre Seigneur, وافعلوا الخير et faites le bien. Tamam. Maintenant dans Famin, c'est à toi maintenant de mettre les verbes qui correspondent dans les trous, inchallah. يقول سوء في الفرع فيما يلي وضع عفوا سي با سا من وضع سي ضع من وضع متر بوزي ضع في الفرع فيما يلي في الامر مناسبا دونك مي دون لي ترو ان في ان امبيراتيف ان غابال امبيراتيف كي كوريسبون الجمله الاولى شو رابل في فيمينا وماسكولين سي باري لا اقرائيه اقرأي القرآن يا مريم. نعم. اقرأي القرآن يا مريم. Mais en fait, quand parmi les règles de lecture, quand un harf med comme le waw ou le alif ou le ya et qu'il répète un alif ou lem, il y a pas de med. Tu dis pas comme ça اقرأي القرآن. Tu lis normalement en fait. Ça c'est parmi les règles que tu apprends quand tu lis. Quand t'as med harf med et d'ailleurs t'as un alif ou lem, je fais pas une prolongation. Taïeb, pas de prolongation. Taïeb, Thanian. Ya awlad, kulu l'khubz, washrubu l'kawata. Non. Oh les enfants, mangez le pain et buvez le café. Thalithan. Ukhruj min al-fasli ya Moussa. Non. Sors de la classe, oh Moussa. Rabian. Regarde bien Damir, c'est quoi. اغسلنا ير اغسلنا وجهكنا وجهكنا وجوهكنا وجوهكنا وجوهكنا وايديكنا بالصابون. Donc là il s'exprime à des femmes et dit lavez vos visages ainsi que vos mains avec du savon. خامسا اغسل راسك بالصابون بالموس non. Bil Moussa. La Moussa c'est Ihliq rasak. Ihliq. Ihliq rasak bil Moussa. Moussa. Bil Moussa. Moussa, ça c'est au bled. Fosra, il y a un alif. Moussa. Comme le Ism le Nabi. C'est écrit pareil. Moussa. Sauf que là c'est un rasoir. Donc, rase ta tête avec le rasoir. Naam. Sadisan. اقتل هذه العقرب يا ابي نعم

Tu vois, continue comme la preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Tayyib, voilà tout dire kafirin ou munafiqin. Donc, oh, toi le prophète, crains Allah. Est-ce que le prophète ne connaît pas déjà Allah auparavant? Il le connaît déjà avant. Ça lui dit quoi en fait? Continue dans la taqwa. Tayyib, continue à craindre Allah. Donc, le verbe impératif, on peut aussi s'en servir pour une chose qui est déjà en cours pour qu'elle elle, continue. Pas même? Là, tu verras, Inch'Allah, dans le Kutub de Nahou, ils vont te le dire. C'est important, quand tu feras sous le fiqh, par exemple, c'est des trucs qui sont très importants. Savoir le Amr, c'est quoi, le Nahi, c'est quoi, ainsi de suite. Car le sous le fiqh, parmi ses piliers, la langue arabe. Celui qui n'a pas la langue arabe, sous le fiqh, il ne va pas vraiment pouvoir gérer. Voyez, maintenant il dit quoi? Le kalimat et jadida. Les nouveaux mots. Akrabun, Jem, Akarib, Scorpion. Voyez, Narsan. Ou son moine, c'est Narsa. Et son djem, c'est quoi? Son djem? Allez, va. Alawaz, fial, comme Rodban, Ridob. Alawaz, fial. Yes, Arsène, qui veut dire piquer du nez. Commencer à s'endormir. Yad, djem, Aïdin. Et quand on met les fois l'em, c'est El Aïdi. C'est ce qui veut dire la main. Et Yad, ça peut être la main toute seule. Comme ça peut être tout l'avant-bras, même tout le bras. On a, ça dépend de ce qu'il y a en arrière. Vous voyez, ça peut venir sur la main toute seule. Souvent, la main toute seule, c'est kef aussi, qui peut être aussi la paume. Et yad, ça peut être jusqu'à l'avant-bras. Et ça peut être tout le bras entier. D'ailleurs, c'est là une masala quand les on a maison dit pour le fait de voler. Quand les on se prendra là, as-saliku as-saliqa faqta'u aydiyahuma. Vous voyez, et en langue arabe, si la main peut aller jusqu'ici, ils ont dit, mais c'est d'où on coupe la main? Est-ce que c'est avant le poignet? Après le poignet, au coude, ainsi de suite. Après, il y a une autre masala qui vient, d'où? Parce que s'il y avait la main, c'est juste ça, le problème il serait déjà réglé. Mais ils savent que la main, ça peut être plus que le, cette partie que nous, on a. Nous, chez nous, la main en français, c'est la main. Mon arbre, ça peut être l'avant-bras et tout le bras entier. Non. Adiyakoum, il est le mieux le faire, jusqu'au coude. Il précise. Tu vois? S'il si, n'est pas précisé, ça prouve que quoi? Il est le mieux le faire, c'est-à-dire que là, c'est tout l'avant-bras qu'il veut dire. Non. Et riche, c'est pareil. Vous voyez? Warsilu arjulakum il karbein. Riche, son pluriel, c'est arjul. Qui veut dire, à la base, jambe. Riche, ça peut être aussi le pied. La preuve, arjulakum il karbein. Ça veut dire quoi? Il s'arrête aux chevilles. Nam. Ça, c'est des expressions qui sont très précises. Donc, il faut faire attention. Voyez? Mizyaun, c'est. La radio, l'appareil en lui-même, c'est l'appareil en lui-même. C'est-à-dire un émetteur radio. Moussa, là c'est le rasoir. C'est-à-dire c'est le rasoir. Nazara, yanzuru, qui veut dire regarder. C'est-à-dire et souvent tu mets ilay derrière, al-fujar. Anzuru, ilay kada. Je regarde kada. Tabakha, yadbukhu, cuisiner. Abada, yabudu, adorer. Mana'a yamna'u, interdire ou empêcher. Thumma yakul, hiza'un jam ahziyatun. Ça c'est chaussure. Toyeb, hiza' c'est chaussure. Koub jam akwab. Ça c'est un verre, une tasse, un gobelet. Zouj, comme il regarde, lui-même il le précise, il muzakkar ou muannath. C'est un mot qui est mixte. Pour l'homme comme pour la femme. Mais souvent aujourd'hui, on va dire Zouj pour le Rajoul, ou Zoujah, il mora. Jo, c'est le temps. Vous voyez, le temps extérieur. Muslim, c'est sombre. Muslim, c'est sombre. Sakata yaskutu, ça c'est se taire. Qata'a yakta'u, ça c'est coupé. Alima ya'lamu, ça c'est savoir. Aza ya'ouzou. C'est quoi ça? Aza ya'ouzou. A'ouzou billahi minash-shaytanir rajim. C'est rechercher refuge. Vous voyez? Chercher refuge. Jannah, jam jannat. Des jardins, et aussi on l'emploie pour le paradis. Saut, jam aswat. Ça peut être les voix et tout ce qui est bruit aussi. Gharib, jam ghuraba, là c'est l'étranger. Rajib, celui qui n'est pas du lieu. Il s'appelle aussi Rajib, quelqu'un de bizarre. Tu t'es un rajoul, Rajib, il est bizarre, lui. Kanasa yaknousou, balayer. Jama'a yajma'ou, rassembler, regrouper. Wa halaqa yahliku, raser. Donc, bihamdillah, aujourd'hui, on a appris comment faire un fi'l amr. Vous voyez, bah, toutes les personnes, pour un verbe soulasi. Un verbe à trois lettres, vous voyez, mujarrad, trois lettres d'origine, et qu'il n'y a pas de harf illa, et qu'il n'y a pas de truc qui viendront plus tard. Le, on va dire, c'est le verbe d'origine. Et bifadillah, tu n'as pas de devoir, alhamdulillah. Sache qu'en tout cas, ce livre. Si j'ai un ou deux, réalité. Hein, allez, non. Moi, ouais, c'est même devenu ada, tu vois. Et je vais dire quoi? Attention par rapport à ce livre, sache que ce livre-là, c'est surtout sur les arkem, les règles. Tu ne vas pas prendre beaucoup de vocabulaire avec le couteau de Médine, c'est surtout les règles. Tu vois? C'est-à-dire, celui qui veut vraiment parler avoir du vocabulaire, ce livre-là ne va pas le suffire. Il faut lire dans le tarbir, il faut lire dans plein de koutoub, mais ça, c'est les règles. Parce que dans la langue arabe, il y a plusieurs sens. T'as le nahou, ce qu'on fait là actuellement, c'est la grammaire. T'as le sorf, ce qu'on fait aussi actuellement, changement des mots. T'as le balara, c'est l'éloquence. T'as l'imla, c'est l'écriture. C'est-à-dire les règles d'écriture, l'orthographe, on va dire. T'as le khot, c'est l'écriture en elle-même. T'as le tarbil, expression orale. T'as plein de trucs, tu vois. Et ça, là-dedans, le tarbil, il est faible. L'expression orale, elle est faible. Et t'as des koutoub khos pour le tarbil, pour apprendre du vocabulaire. Plein de mots, comment façonner des phrases. Donc là, faut pas se méprendre. Le kitab Médine, c'est surtout pour apprendre les arcanes. Maintenant, tu veux paraner, faire des longues phrases, c'est pas avec ça que tu vas arriver. Voilà. Ça, c'est avec le temps aussi, au fur et à mesure, la lecture, écouter les cassettes. Et Kada. Ma foumane adresse ? Non, alhamdoulilah. Taïeb. Falakou, alhamdoulilah, rabbil alamin.